On peut voir dans les plaines le regret éternel sur leur passion secrète pour des jeux anormaux. Choristes extraterrestres qui entonnent à capelle, trop de mal à périr, s'écrouler sur le dos. Caractère pneumonique ou anévrisme à rancard, corrèle de violence, faire souffrir en douceur. Car de plus en plus de jours se termine la nuit dans de sombres fracas, sourds, muets, falsifiés. Travaille dans les colcoses, fais du cheval à tue-tête. Quand elle tombe de peur, horrifiée la fillette. Et le cœur de battre jusque dans les talons. Renonçant à battre, laissez fuir les colons. Les dieux de la bafouille arrachent des violons. Des cris l'en balbutier d'être trop loin derrière. Souffrir la pitié des gens décomposés. Caracolés en tête, des émeutes disloquées. Pauvres en vocabulaire, oh, perdus dans leurs âmes, décorcheurs boulimiques, à force de boire aux états dyscentriques, puis vomir sa colère par le trou des oreilles, sur des principes lâches d'être seulement appliqués, se renouera en masse, gélatine annihilée. Toutes les personnes se trouvant dans la zone rouge sont priées de s'abriter selon les consignes préalables et de pénétrer dans un sac de couchage pour que leur corps devenu mort d'ici quelques heures soit plus facile à ramasser. Merci. Dit la mort, a raccroché hier dans mon appartement, a capsulé sa bière, a posé sa faucille, enfilé son caleçon et parti se coucher sur un lit de lumière. Au choir, sa vocation, arrêtez de goûter au choix de la puissance, laissez-la décider. Au finir lamentable, à plat ventre dans la dèche pour enfin s'écrouler, se cracher. Radioactive!